Adressez-nous, toi blanc. Ceux qui te parlent de hurle ou qui te la hurle parce qu'ils la connaissent par cœur. Ah, c'est les filles, c'est pas des bonnes notes que je ramenais à la maison, c'était lesquelles? Ouais, ouais.